Si un jour les étoiles cessent de briller, si le ciel se voile pour l'éternité, si la lune pâle perdait sa clarté, ce jour-là, je cesserai de t'aimer. Si un jour l'océan vient à s'assécher, et si les enfants cessent de jouer, si un jour mon sang vient à se figer, ce jour-là, je pourrai te quitter. Le jour où tes 16 ans se seront envolés, tes cheveux seront blancs, mais mon cœur, lui, n'aura pas changé. Si un jour le désert se mue en jardin, et si les frontières s'envolent soudain, si la terre entière arrive à sa fin, ce jour-là, je te rendrai ta main. Le jour où tu t'en vas sans espoir de retour, si tu me laisses là, tu garderas pourtant mon amour. Jamais les éléments ne pourront changer notre amour d'enfant, gavé de baisers. Les jours et les ans viendront s'y briser, et toujours nous pourrons nous aimer. Oui, toujours nous pourrons nous aimer.